positif 21. Professeur d'anthropologie de la communication à l'École nationale supérieure de Lyon. On nous parle de relire pas à pas et un monde qui commence autrement. Merci beaucoup. Je pense que cette phrase, le monde qui commence autrement, vient de Kafka. Je propose de relire la page immédiatement. Alors tout d'abord, merci d'être là. Merci à l'équipe Cresson de m'avoir invité pour ce qui est quand même. Pour moi, un défi, c'est de relire pas à pas devant son auteur, malgré sa bienveillance, c'est quand même, pour moi, non pas une épreuve peut-être, mais un vrai, il faut dire en franglais, un vrai challenge, en ce sens que, je dis d'emblée, je n'ai pas la formation philosophique qui me paraît aujourd'hui encore plus nécessaire qu'il y a quelques années pour lire de manière pertinente pas à pas. Mais je vous en ferai ma lecture, parce que ma première question était de dire, mais comment lire ou relire pas à pas, tout lire depuis le mémoire sur Gianluigi Bruno de 1968, qui est sans doute la source première de pas à pas, jusqu'aux travaux actuels, jusqu'à peut-être Sonic Experience de 2006, travailler à la fois sur les continuités de 68 à presque 2008, travailler aussi sur les ruptures, c'est-à-dire les ruptures par rapport aux attentes disciplinaires, par rapport aux attentes de mode, montrer toute l'originalité de pas à pas, sacré tâche. Montrer aussi comment le travail de Jean-François Boyard s'est perpétué par ses disciples, par ses étudiants, et j'avais le plaisir il y a quelques semaines encore d'être dans le jury de Mademoiselle Benslama, qui a travaillé dans la droite perspective des travaux du Cresson. Donc, faire une lecture de pas à pas, on va dire avant, pendant, après pas à pas, comme l'histoire, ou comme un chapitre de l'histoire, mais aussi comme une synthèse de toute l'histoire du Cresson, c'est peut-être trop pour un seul homme, ou c'est peut-être trop pour le temps que je m'étais imparti. Je me dis qu'il y a une thèse à faire, je serai là très heureux à nouveau de me rejoindre, une thèse à faire sur l'histoire du Cresson par le relais de pas à pas, mais ce n'est pas ainsi que je me permettrai de vous faire cette présentation. J'ai trois quarts d'heure, je n'ai pas quatre ans, trois ans, parce que les thèses, c'est trois ans aujourd'hui. Donc je vais y aller de manière beaucoup plus simple, beaucoup plus subjective. Je vais d'abord vous présenter ma lecture de pas à pas, la façon dont je l'ai utilisée au fil des années, et puis je déroulerai un certain nombre de commentaires. Au fond, je me dis, je fais un peu comme le Cresson aujourd'hui, méthode du jeu d'huile. D'abord le jeu, pour décoter un peu les choses, le il ensuite, et le tu viendra dans l'échange que nous aurons dans les trois quarts d'heure suivants. Donc, essayez de s'interroger sur le fait. Ce sera ma première question et mon premier objectif. S'interroger sur cette différence qui m'est apparue très vite entre, je dirais globalement, le discours qui accompagne généralement pas à pas et le spectre beaucoup plus vaste que couvre pas à pas quand on le relit attentivement. Qu'est-ce qui s'est passé au fil des années pour que pas à pas non pas se referme, mais soit ainsi refermé et soit ainsi refocalisé sur cette question du cheminement de la rhétorique cheminatoire. J'essaierai de trouver une réponse, je vous en proposerai une, nous la discuterons tout à l'heure. Donc, mes premières approches. J'ai commencé à lire et à faire lire pas à pas dans un cours de psychologie sociale à l'Université de Liège, vers 82, par là, au début des années 80 en tout cas, et je dois reconnaître qu'à l'époque, peut-être comme d'autres d'ailleurs, j'en extrais un chapitre ou deux sur la rhétorique habitante qui me paraissait être, à l'époque, le cœur du livre. Et en général, je me prenais les pieds dans les figures de rhétorique. Quelques années plus tard, aux États-Unis, j'ai donné un cours où j'ai essayé d'utiliser pas à pas, pas encore traduit, au département de Landscape Architecture à l'Université de Pennsylvanie. Et avec des étudiants de troisième cycle, devant des étudiants, je faisais un cours sur les cartes cognitives. Il me paraissait qu'il était utile pour des étudiants en architecture dite paysagère, encore que leur ouverture était beaucoup plus vaste que cela, c'était quasiment de l'architecture environnementale avec Ian Markham. Donc j'essayais de les initier aussi bien à Downs and Steel qu'à Felonneau qu'à l'image de la ville. Et je m'apercevais là à nouveau que Beauregard était difficile à faire passer auprès des étudiants. J'insistais beaucoup sur cette opposition qui m'est toujours apparue très pertinente, très opératoire, mais qui est un peu curieusement passée sous silence. C'est l'opposition entre mémoire rétentionnelle et mémoire protentionnelle. J'insistais beaucoup auprès des étudiants que j'envoyais faire des entretiens sur ces deux types de mémoire, et j'insistais aussi sur le fait que venir une première fois, dire que l'on va revenir, activer en quelque sorte cette mémoire du futur, était aussi une manière de construire un don contre don avec ses interlocuteurs que les étudiants en général, culpabilisés par le fait d'embêter les gens, n'osaient pas véritablement assumer. Et je leur disais, si vous allez donner de l'attention à des gens qui n'en ont presque jamais, vous allez souvent leur donner le moyen de mettre leur vie en cohérence, pour faire allusion au titre d'un livre de Charlotte Lind. Et vous savez, ça, c'est la première partie du don. Ce n'est pas eux qui le font, ce n'est pas eux qui vous donnent tout leur temps, toutes leurs informations, c'est aussi vous qui leur annoncez que vous allez leur en donner. Et c'est important pour vous rassurer, mais c'est aussi important pour équilibrer l'échange que vous allez avoir avec eux. Bref, retour en Europe plus tard, et troisième usage de pas à pas dans des cours à Genève pendant plusieurs années, où j'essayais de marcher dans Genève avec mes étudiants, et où j'essayais de leur faire comprendre concrètement ce que ça pouvait être de marcher, non seulement de marcher, mais aussi d'attendre de manière licite. Surtout quand on est une femme dans un espace public, etc. Bon. Je travaillais essentiellement là alors par observation participante, plus que par entretien, mais de temps à autre, les étudiants, dans leurs travaux personnels, faisaient une première campagne de collecte d'information par entretien. Et là, à nouveau, pas à pas, est exploité, mais encore une fois, de manière restrictive. Dernière relecture, la quatrième, c'est dans le cadre d'un projet avec le Cresson pour l'Agence nationale de la recherche, l'ANR, un projet qui s'appelle Ville qui marche. Et là aussi, je dois reconnaître que la dimension méthodologique de pas à pas l'a emporté sur d'autres dimensions. Bien sûr, nous sommes passés par toute une série de textes, et entre autres l'anthologie, à la fois l'anthologie Thibault, je vais dire, que le superbe Thibault Rogent, mais chaque fois, nous sommes passés à côté, et je m'en suis rendu compte ce week-end en relisant systématiquement pas à pas, passés à côté d'autres dimensions de pas à pas. Donc, je reconnais que ma lecture pendant plus de 20 ans a été une lecture très partielle. Il me paraît aujourd'hui à la relecture que, comme l'a très bien dit le pauvre Rachel ce matin, le cadre général de pas à pas est celui de l'opposition entre, on peut dire, l'habité et le logé, entre la violence symbolique de l'imposition architecturale et urbanistique contemporaine, d'un côté, et le pouvoir de résistance, je le mets en guillemets parce que ce n'est pas un mot employé par Beauregard, le pouvoir de résistance des habitants. Ou encore, troisième lecture qui me paraît plus respectueuse du projet même de pas à pas, celle de l'articulation par les marchés, comme si les deux opérations étaient engendrées par une même disposition, je n'ose pas dire par le même habitus. Et j'insiste sur cette manière de penser parce qu'elle me paraît fondamentale pour comprendre le projet d'ensemble, ou en tout cas, à moi, elle est apparue fondamentale. Je lis cette phrase comme ça qui glisse, page 29, mais qui me paraît crucial si l'on veut prendre la rhétorique habitant pour autre chose qu'une simple métaphore. Il me paraît que si l'on veut aller jusqu'au cœur du projet de pas à pas, il faut prendre très au sérieux la phrase suivante, non seulement les figures qu'écrivent les cheminements s'observent directement, mais encore de nombreuses formes mixtes trouvées dans les entretiens indiquent la convergence du langage et du cheminé dans un même style d'expression. Et relisant cette phrase, que je fais déjà une annonce pour plus tard, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à Panofsky travaillant sur l'abbé Suger à Saint-Denis, c'est-à-dire sur la face telle qu'il a été aussi relu par Bourdieu dans la postface à la production française, c'est-à-dire comment une même disposition permet de comprendre le vitrail du gothique flamboyant et la transformation de l'écriture des manuscrits du Moyen-Âge. Panofsky convoque un principium ad actum, enfin, vous pouvez prendre n'importe quel terme scolastique, mais fondamentalement, c'est la notion de disposition ou d'habitus, à la fois telle que la philosophie du Moyen-Âge va l'employer, telle que Bourdieu le récupérera plus tard, qui est à l'œuvre. Et je me suis dit que cette phrase de la page 29 était une des clés pour moi, dorénavant, de pas à pas. J'y reviendrai tout à l'heure. Il m'est apparu aussi à la relecture que le travail sur les entretiens, le travail sur les journaux, le travail sur les cartes, était en fait beaucoup plus systématique que je n'avais jamais compris, peut-être parce que la rhétorique d'Aurélien ne passe pas par les chiffres. Il a fallu que je relise ou que je lise DOS pour comprendre qu'il y avait eu 400 entretiens. Que je me souvienne, dans pas à pas, il n'y a pas N égale 400. Et du coup, on se dit oui, il y a eu des entretiens, quoi bon. Alors qu'on finit par comprendre qu'il y a eu un énorme travail empirique, mais ça ne m'était pas apparu au cours des 20 ou 25 premières années. Et ce qui m'est apparu avec beaucoup de clarté, c'est que tout le livre est de l'ordre de l'anecdote, de la mesure, de la retenue, de la modestie. Enfin, troisième dimension qui ne m'était pas apparue jusqu'à ce que je le relise à votre invitation, c'est, je dirais, la dimension poétique de l'écriture et aussi la dimension utopique, on pourrait presque dire la dimension politique de l'ouvrage. Ça, j'aurais peut-être pas pu le comprendre quand j'étais plus jeune, ce n'est qu'au fil des années, au fil de rencontres avec des collègues qui ont fait le Grenoble des années 70, un Grenoble plein d'énergie, plein d'ambition, le Grenoble des Jean Cône, on en parlait tout à l'heure, des Bernard Miège, tous ceux qui sont venus à Grenoble pour inventer une ville nouvelle, inventer et réinventer les vidéogazettes, inventer les radios libres, inventer de nouvelles manières d'habiter une ville. Et tout cela est dans pas à pas, mais en filigrane. C'est au fond un livre qui dit l'espoir plutôt que la désespérance d'être dans une ville encerclée, littéralement. Et au fond, là, c'est une position politique. Autrement est possible, ou bien le monde commence autrement. Parallèlement à cette relecture un peu ferme de pas à pas, ferme, je veux dire en tenant le crayon en main, je me suis évidemment imposé quelques lectures d'escorte, notamment, et j'en remercie Jean-François Boyard de m'avoir fait parvenir ce texte, le texte du traducteur américain David Ames Curtis, la réponse de Jean-François Boyard et la contre-réponse du traducteur américain. D'où il ressort, peut-être certains d'entre vous ont-ils déjà lu ces textes, ils sont ou qui vont être bientôt sur le site du Cresson, que la lecture de ce traducteur américain me paraît trop heideggerienne, à mon goût. Je fais le malin parce que j'ai pas vu Heidegger, mais bon, à la mesure où il le cite tous les deux lignes, je me suis dit qu'il y a quand même quelque chose qui me paraît suspect, et sans doute, mais là aussi j'ai pas eu, pas assez de mal dîné. Bon, c'est Chris Younes qui me parlait l'autre jour de Malvinet, je pense que c'est sans doute une grande œuvre à redécouvrir, qu'en France nous connaissons trop peu. Et aussi, sans doute, de la part de ce traducteur américain, pas assez de Merleau-Ponty, alors qu'il est très présent dans la trajectoire intellectuelle de Royal. Je dirais aussi que ce texte est sans doute trop intellectualisant, pas assez proche du terrain. Mais soit, cette préface ou cette introduction a mérite d'exister, il me reste à lire la préface de François Chauvet ou l'introduction. Ensuite, j'ai lu Dos de Certeau ou Le Marcheur blessé. Là, je ne vais pas rentrer à nouveau dans une polémique, mais je me permettrai quand même de faire le mot des jeux de mots, plutôt Le Marcheur blessant, en ce sens qu'on sait tous aujourd'hui que l'emprunt qu'a fait de Certeau à pas est, on va dire, un peu limite. Dos euphémise, mais bien, il reste que la manière de dire, la formalisation de l'enquête réalisée par Augoyard est largement utilisée par Certeau, qui est passionné par ce travail avant même sa publication. Quand vous relisez l'invention du quotidien, c'est encore une fois un peu limite. Augoyard est cité deux fois et est recouvert de toute une série de citations qui me paraissent très secondaires, du style Jacobson, Barthes et Dudicanti, mais on sent quand même bien que tout le chapitre Marche dans la ville est directement emprunté, on va dire comme ça, à pas. Quand on relit l'invention du quotidien, on se rend compte aussi, ça n'était pas apparu, puisque ce livre compte beaucoup d'entre vous, je ne l'ai lu qu'au moment de sa sortie, et puis il a été rangé sur les étagères, puis je l'ai perdu, et puis je l'ai racheté oui, parce que je l'avais dans la bonne vieille collection 10-18, quand j'ai eu le monde. Vous savez, on ne peut pas ouvrir un 10-18 sans mettre son nez dedans, ça a une odeur de 10-18. Et là, les folios non plus. On peut effectivement se rendre compte que l'invention du quotidien est un peu comme une caricature, comme une sursimplification de pas à pas. Cette manière de se focaliser sur la rhétorique cheminatoire en évacuant tout le reste, c'est-à-dire le projet même au fond de pas à pas, hein, et en faisant également fi du travail empirique, est tout à fait étonnant. C'est-à-dire que De Certeau apparaît comme un essayiste aimable. Hein, en roman, mais qui n'est pas du tout au fait du travail et je dirais des recherches qui ont lieu à l'époque aux États-Unis, entre autres. C'est curieux puisqu'il était très souvent à San Diego en ethnométhodologie. Mais soit. Ça me permet d'ailleurs une réponse à ma question initiale. Comment se fait-il que pendant tant d'années je n'avais vu pas à pas que par le petit bout de la lorgnette? Eh bien, il me semble, vous l'avez deviné, parce que comme tant d'autres, De Certeau m'avait fourni sa lorgnette. De Certeau a, d'une certaine manière, me semble-t-il, écrasé pas à pas, en ce sens que, pour beaucoup, il a donné le framing, le cadre de lecture de l'ouvrage, et finalement, beaucoup ne sont pas revenus à pas lui-même, d'autant que le seuil, pour Dieu sait quelle raison, je ne sais pas combien de fois j'ai insisté là-bas, mais bon, n'a jamais reproduit pas à pas. Il est toujours resté dans cette édition, alors qu'il aurait dû devenir un point. Hein. Mais bon, c'est comme ça. Alors que, bon, le Certeau a circulé, d'abord en 10-18, et puis en folio, donc des générations d'étudiants sont passés par De Certeau, alors qu'il devenait de plus en plus difficile, sinon en photocopie, de se procurer pas à pas. Et c'est vrai que c'est parfois des conditions aussi bêtement matérielles qui font un peu la carrière d'un livre qui la défend. À ce stade-ci, je me dis qu'il faudrait pouvoir, pour rendre justice au projet général de pas à pas, le mettre en parallèle, le comparer, le juxtaposer à d'autres projets proche, mais qui ne se superposent jamais au projet même de pas à pas, mais qui peuvent l'éclairer dans sa spécificité. Et je voudrais donc ainsi rapporter pas à pas à trois, vous verrez qu'il y en a une quatrième, on va dire quatre, démarches intellectuelles qui ont émergé ces dernières années en France, après avoir pris, pour les trois premières d'entre elles, avoir pris leur essor aux États-Unis. Et on verra mieux ainsi la complémentarité de pas à pas et aussi sa profonde originalité. J'y fais allusion il y a un moment. Je songe tout d'abord à l'aide d'une méthodologie de la marche, telle qu'elle s'est illustrée dans les textes aujourd'hui bien connus, et bien connus d'ailleurs grâce à l'anthologie de Jean-Paul, les travaux de Raya Beschenken, certains travaux de Rod Watson, de Sutnow, et aussi de Shelloff, hein, des titres comme Note on the Art of Walking ou encore Foundering Places sont des classiques dans leur genre. Et on pourrait se dire, tiens, pas à pas, et les ethnométhodologues de la marche sont très proches. Et bien entendu, je vais dire oui et non. Oui, dans le sens où il y a une même volonté, peut-on dire, de s'attaquer, comme disent les ethnométhodologues, de s'attaquer au taken for granted, hein, au ça va de soi, à l'évidence, au trop banal pour être étudié. Et donc, il y a là la compatibilité, pourrait-on dire, entre le projet de méthodologie et le projet de pas à pas. Mais, la dissociation chez les ethnométhodologues entre les données observationnelles d'un côté et les données conversationnelles de l'autre ne les rend pas si compatibles que ça. Je veux dire par là que dans pas à pas, il y a une fusion très fine des deux modes de collecte d'informations. Il y a bien sûr des données conversationnelles, mais on sent qu'il y a derrière toute l'observation participante de Jean-François Ogoyard. Chez les ethnométhodologues, il y a soit analyse de conversation, comme dans Formulating Places, soit observation pure et simple, parfois derrière une caméra. Avec, d'ailleurs, dans certains textes, un désengagement par rapport à la scène observée. Il y a peut-être que chez Goffman, où il y a fusion, mais Goffman n'a jamais fait que des textes de synthèse à partir des travaux que lui avaient envoyés certains ethnométhodologues ou certains collègues sociologues qui avaient ponctuellement travaillé sur ces questions. Donc, attention à ne pas faire une critique de pas à pas en disant au fond, c'est l'ethnométhodologie qui n'ose pas le dire. C'est pas du tout ça. On pourrait évidemment se dire que certaines sources d'inspiration sont communes, mais ce serait remonter trop haut. Je veux dire, essayer de montrer que les ethnométhodologues procèdent de Garfinkel, qui procèdent de Husserl, et que d'une certaine manière, de proche en proche, Ogoyard procède lui-même par le relais de certains phénoménologues de Husserl, c'est un exercice scolaire, mais qui correspond pas véritablement à la réalité des inspirations. Et je dirais qu'une autre différence entre pas à pas et les ethnométhodologues, c'est que pas à pas est capable de sortir du situé, du situé, et prendre la hauteur. C'est très difficile de faire sortir les ethnométhodologues de l'interaction. Encore une fois, je pense à Neil Goffman, qui prenant un peu de recul sur les travaux, réinsère ses analyses, ses micro-analyses dans une problématique d'ordre social. C'est le fameux premier chapitre de Relations en public où il s'interroge sur qu'est-ce que marché nous dit sur la relation entre ordre de l'interaction et ordre social. Et où il réinsère les analyses de ses collègues dans ce qui est sa grande question fondamentale qui me taraude depuis sa thèse de doctorat en 52. Mais c'est à peu près ça. Et on voit comment Ogoyard, lui, tout en travaillant sur des données minuscules, est capable de leur donner un sens très général, offrant un cas d'analyse pour toute la problématique urbaine des années 70, sinon la problématique contemporaine. Première tentative de rapprochement, et donc première tentative de dissociation. Deuxième. Je songe à ce qu'on appelle aujourd'hui dans certains cercles les performance studies. C'est des études que l'on voit notamment se déployer à NYU au département de performance studies, évidemment. Ce sont des gens qui viennent du théâtre, mais qui en quelque sorte ont convoqué dans leur analyse de la performance théâtrale la performance de la philosophie analytique, c'est la performance à la hostile ou à la sœur. Et le proche en proche, cette manière d'ouvrir la notion de performance à trouver des emplois en géographie ou en tourism studies. Chez, par exemple, Barbara Kirchenblatt-Gimblet, qui dit explicitement trouver son inspiration chez Austin pour dire que une exposition touristique ou un village de vacances ou de loisirs est performée par les touristes ou par les plaisanciers ou les usagers. En ce sens que une exposition, ce n'est jamais une salle morte, ce sont des armoires, ce sont des objets, et il faut que cette salle soit traversée par ses visiteurs, que ces armoires soient vues, soient lues, pour que quelque chose se passe, soit accompli. C'est dans ce sens-là qu'on va parler de performance, de performativité en études touristiques, en géographie, plus encore aujourd'hui en théâtre. Pas à pas ne s'exprime jamais explicitement en termes de performance généralisée, de performativité. Le terme, sans doute, était encore à l'époque confiné aux études de philosophie analytique ou de pragmatique. Et en même temps, tout se passe comme si Augoyard évitait une formulation trop lourde de la performativité à la manière de Le Certeau qui dit « L'acte de marché est un système urbain, pardon, l'acte de marché est au système urbain ce que l'énonciation, le speech act, est à la langue ou aux énoncés proférés. » C'est ça, page 148 dans mon émission. C'est un peu brut de décoffrage. C'est vrai que, en cela, Le Certeau met le doigt sur, on va dire, la performativité de la marche, mais ne va pas plus loin. Alors que, à mon avis, Augoyard, tout en n'utilisant jamais la convocation explicite à la théorie des actes de langage, ne cesse de déployer la notion de performativité. Et j'oserais parier que si aujourd'hui Papa était réécrit, cette notion même apparaîtrait explicitement, tant elle était là en filigrane. Troisième tentative de rapprochement. Et je me dis, au fond, peut-être faut-il respecter la matrice disciplinaire première de pas à pas, qui est, je pense, la philosophie d'inspiration phénoménologique. Mais plus proche du Merleau-Ponty s'intéressant aux sciences sociales, notamment à l'anthropologie culturelle américaine ou à l'éthologie, qu'au Heidegger éthéré tant célébré en France. C'est en cela que, personnellement, je vois une grande similitude entre le projet de pas à pas et celui de Bruce Begou, qui est très au fait du monde vécu et tout le machin, à la fois parce que sa fréquentation des archives de Bruxelles est très fine, et aussi parce qu'il a une volonté d'expérimenter sa philosophie au travers de grands voyages, à travers les États-Unis. Il nous expliquait un jour dans un séminaire qu'il ne faut pas dissocier ses gros livres chez Alia du style L'invention du quotidien avec, j'allais dire, ses world books du style voilà, Zero Police et autres analyses de Las Vegas ou des notaires américains. Pour lui, c'est une manière d'usiner sa philosophie en traversant les États-Unis. Et puis, il reconduit son expérience de manière beaucoup plus conceptualisée dans ses gros livres. Son premier livre, L'Invention du quotidien, n'est jamais que le premier d'une trilogie ou plus. Cela dit, vous avez vu ma tactique. Je m'avance vers un auteur proche, et puis quand je vois que je m'approche de trop près ou trop tardivement, je m'en fie. Je dis, cela dit, le travail de Begou s'opère, lui, sur deux plans très distincts. Le récit de voyage d'un côté, le travail analytique de l'autre. Et il ne fait, dans ses travaux, jamais allusion à ce qu'il fait de l'autre côté. Il faut l'avoir en face de soi dans un séminaire pour qu'il vous dise qu'il faut lire ces deux modes d'écriture en parallèle. Dans Pas à pas, les deux approches sont intimement mêlées. Tout se passe comme si Augoyard avait été, et pas seulement comme si, il y était sur le terrain, il y vivait. Et il avait donc été capable de mêler très intimement travail empirique, expérience, donc, et travail de conceptualisation, ce qui n'est pas si simple. Ce qui m'amène à un quatrième rapprochement, qui peut-être vous étonner, mais bien, je reconnais que ce n'est pas n'importe quel auteur, parce que je l'ai longtemps fréquenté à la fois intellectuellement et personnellement, c'est Bourdieu, qui lui aussi est venu de la philosophie, et qui, très jeune, a décidé de quitter la formation phénoménologique, puisqu'il devait faire une thèse dans cette perspective avec et donc décidé, vous le savez tous, de s'affronter à la réalité du monde social, en Algérie, dans le Béarn et ailleurs encore. A priori, Bourdieu et Auboyard ne sont guère proches, hein, mais pas rapprochables. Hein. Et je commence par un tout petit bout. Moi, ce qui me frappe, chez l'un comme chez l'autre, c'est le mélange d'ambition et de modestie dans le propos. Le mélange de vision à long terme et de capacité à être très concrète. C'est aussi la construction d'une œuvre qui n'est pas seulement une œuvre personnelle, mais qui est aussi une œuvre collective avec la construction d'un centre, la mise en route de collections d'ouvrages, l'encadrement de thèses et un travail qui se poursuit au-delà de l'écriture personnelle. Et c'est là où je vois, dans l'attitude, si vous voulez, dans la disposition générale par rapport au travail intellectuel, un parallèle assez assez solide, on va dire comme ça, entre Bourdieu et Auboyard. Pas de refuge dans le travail personnel en disant, allez tout faire voir, moi j'ai une œuvre à faire. Pour ceux qui ont connu Bourdieu, qui a monté ou remonté le Centre de sociologie européenne, on pourrait dire qu'elle a parlé avec le Cresson, pour ceux qui connaissent le Bourdieu du sens commun ou d'autres collections comme Liber, ça me rappelle assez tout le travail éditorial de Jean-François Auboyard. Pour ceux qui l'ont vu amener des disciples à poursuivre son travail pour prendre des directions un peu divergentes, voilà aussi mon rêve, vous avez compris. Et je me dis, je reviens à ce que je disais tout au début en faisant allusion à Panofsky, que mine de rien, il y a des clés dans l'œuvre de Bourdieu qui sont très proches des clés qu'il faut avoir, sans doute, pour ouvrir pas à pas. Notamment cette notion de disposition ou de principium à l'action qui permettrait de comprendre qu'un même principe est à l'œuvre dans la marche, comme dans la lecture, comme dans l'écriture. Et on pourrait se demander s'il n'y a pas plus qu'une simple coïncidence chronologique dans le fait que pas à pas et la distinction sont sortis la même année. Et ce sont des œuvres de maturité qui n'ont pas cessé de produire des effets. Et vous savez, la distinction est fondée sur cette notion d'un principe unique, d'une disposition unique qui permet d'expliquer les pratiques. Donc oui, les deux ouvrages, mine de rien, sont très proches. En tout cas, je pense qu'il faudrait creuser cette voie. Dans l'un et l'autre cas, si vous voulez, nous avons affaire à une théorie de la pratique. Je m'approche déjà, et j'étais trop vite, mais je n'ai pas préparé cette note, je m'approche déjà dangereusement de ma conclusion. Mais je peux un peu étirer une dernière anecdote que je voulais placer à la fin de mon intervention. Par le hasard d'Internet, je me suis retrouvé hier soir au Confort Hôtel de la rue Verlaine. Pour ceux qui connaissent, je suis sûr qu'aucun d'entre vous n'est jamais au Confort Hôtel de la rue Verlaine. Sauf si vous voulez vous croire dans un livre de Jean Rollin. Ça m'a au moins donné l'occasion d'aller dans le quartier de l'Arlequin que je n'avais jamais vu de près. C'était 19h30, donc ça va. Et j'ai enfin découvert ce lieu que j'avais imaginé pendant tant d'années, un peu comme le traducteur américain qui raconte dans son texte que fait tout le travail de rapprochement entre l'arlequin imaginaire qu'il avait dans la tête après tous ces mois de traduction et la réalité. Moi de même, bien sûr. Ah bon, c'est ça. Comme c'est beau. C'est ce qui m'a frappé d'abord. Je n'avais jamais pris conscience du fait que les immeubles étaient si hauts. J'avais l'impression qu'ils me regardaient en quelque sorte. D'autant qu'il y avait pas mal de monde aux fenêtres. Et une des anecdotes, c'est à un moment donné, une espèce de déflagration qui commence à résonner dans la cour. Et en fait, c'était une dame qui battait un immense tapis qui descendait du balcon avec, je ne sais pas comment on appelle ça, moi, une tapette en quelque sorte, une sorte d'immense tapette à mouche là. Et ça résonnait quasiment comme des déflagrations dans la cour. Bon, soit. Je n'ai pas osé manger une pizza unique. Gargotte encore ouvert, je suis rentré jusqu'à un petit resto qui s'appelle L'eau à ta bouche, en face de mon hôtel, et je me suis retrouvé à discuter avec, d'une part, un steak de kangourou en face de moi, oui, ils proposent des steaks de kangourou dans ce restaurant, et discuter avec la patronne portugaise d'origine qui m'a dit que, bon, il y a 23 ans, elle avait habité à l'Arlequin, ah, qu'est-ce que c'était bien, qu'est-ce que les appartements étaient beaux. Mais heureusement que vous n'y êtes pas allé ce soir, à nous tomber, parce que... Voilà. Et donc, la rumeur, peut-être que ce soit une rumeur, je n'en sais rien, de la dangerosité de l'Arlequin est remontée à la surface, et qu'après, deux retraités m'ont invité à leur table, m'ont offert une bière, et on a commencé à discuter de l'Arlequin. Un des gars m'a dit, mais vous savez, c'était les années 70, les utopies... comment est-ce qu'on pouvait faire ainsi une ville dans la ville, fermée sur elle-même, bon, il faudrait faire sauter tout ça. Et vous l'ouvrez. Et je me suis dit, bon, il est 22h, il faudrait que je termine mon intervention, et il ne faudrait pas non plus que je me laisse trop envahir, au fond, par le discours populaire et ses vérités. Si vous voulez, je me suis retrouvé dans cette expérience que j'avais vécue quelquefois, qui est le moment de la collision sur le terrain entre une œuvre et le terrain qui lui a donné lieu. En faisant des travaux d'histoire des sciences sociales, je me suis retrouvé un jour dans le village à Bali où Margaret Mead et Gregory Bateson avaient récolté leurs données pour ce merveilleux livre qui est Bardenese Character. Je ne vais pas entrer dans l'histoire, mais là aussi c'était « Ah bon, c'est ça !» Et ils ont réussi, à partir de ce petit truc, à faire cette œuvre fondamentale. Bon. Ou bien, j'ai voulu aussi aller dans le village où Goffman avait récolté ses données pour sa thèse de doctorat. Thèse de doctorat qui a donné lieu, d'une certaine manière, à toute son œuvre. Et quand vous êtes dans ce patelin perdu, vraiment le trou du cul du monde, au bout des Shetland, il y a des mouettes et des vaches, comment est-ce que... Bon, et donc, je dis, attention, il ne faut pas trop se laisser capter par la vérité du lieu, d'autant que c'est une vérité très éloignée du lieu tel qu'il était au moment où les données ont été récoltées. Et il faut veiller, au fond, dans c'est peut-être anecdotiquement intéressant d'aller sur le lieu où un travail s'est réalisé une génération plus tôt, mais il faut veiller, je pense, à garder la distance. Et maintenir le travail... écrit l'œuvre du chercheur telle qu'elle est, sans la rapporter, comme certains sont tentés parfois de le faire, sans la rapporter brutalement à sa réalité physique ou matérielle. Tout se passe comme s'il fallait, au fond, protéger une œuvre, l'aider à poursuivre son travail d'évocation, veiller à ne pas la rabattre au sol. D'une certaine manière, peu importe l'Arlequin, peu importe ce qu'il est devenu, peu importe ce que j'y ai vu, ce qui est essentiel pour moi, ce qui est essentiel pour nous chercheurs et pour nos étudiants, c'est à la fois l'émergence d'une méthode de collecte et de traitement des données qualitatives où on en avait peu à l'époque en France et qui a entre autres donné lieu à cet ouvrage. Ce qui est important, c'est l'émergence d'un labo comme le Cresson, et je dirais, c'est aussi la contribution unique à une socio-anthropologie de l'habité. Et Dieu sait si les géographes aujourd'hui font leur gamme sur la notion d'habiter. Et en phrase de conclusion, avec 6 minutes d'avance, bon, je suis désolé, mais c'est pas mal, je dirais qu'il y a des chercheurs qui ont besoin de 25 ou 40 livres pour réussir à lire ce qu'ils ont à lire, et il y en a d'autres qui parviennent à tout lire en un livre de 165 pages. Donc, ouais.